Présentation demain du UFC 242. C'est une grande première. Ça va se présenter aux Émirats Arabes Unis. Ça, c'est dans le. Évidemment, c'est dans le. Au Moyen-Orient. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent là. On en parle avec notre ami Claude Perron. Salut Claude. Salut Danny. Claude, de mémoire, si tu me corriges, mais on n'a jamais été. On n'a jamais été là. Non. Je pense que c'est la première fois. Puis. Écoute, ils ont bâti un stade, eux autres, là, pour l'événement. Tu sais, comment ils ont de l'argent. Ouais. Fait que, ça aurait l'air que ce serait des bâtiments neufs. Puis ça, je peux aller voir encore, là, mais ça doit être de toute beauté. C'est sûr, ça doit être incroyable. Et évidemment, l'UFC, Dana White et l'équipe voulaient aller dans cet endroit-là. Ils ne voulaient pas y aller avec des pieds de céleri. On y va avec le meilleur combattant, Khabib, qui va affronter Dustin Poirier. Ça devrait être excellent, ça. Oui, puis écoute, Danny, il y a quand même une. Faut pas que tu oublies que Khabib fait, il est musulman, puis il fait la promotion aussi il fait la promotion de sa religion, puis là, il s'en va aux Émirats arabes. Fait que c'est pour ça que c'est un gros, gros show pour eux autres. Là. Ça va être un gros party, si on veut. Puis oui, ben Khabib, on le connaît, 27-0. Donc, on n'a pas. Les présentations sont pas mal faites dans son cas. C'est lui qui a battu. Il a battu Conor McGregor à leur dernier combat. Puis on sait que bon. Après ça, il avait été suspendu là parce que à cause de la mêlée qu'il avait eu après puis sa participation là-dedans. Puis bon là, il est de retour. Puis il est retour contre Dustin Poirier. Un très très bon combattant. Il n'a pas une fiche parfaite, le gars, il a 25 victoires, 5 défaites quand même. Il a perdu contre McGregor pour plusieurs années. Il a perdu contre tout. Écoute, Dustin Poirier, il a perdu juste contre des bons gars, là. Ça, c'est issu. Mais écoute, ça va nous donner un. Tout que chaud. Oui, c'est. Et exceptionnellement, je pense que c'est demain midi, je pense, hein? Avec le décalage. Ouais, là, le décalage, puis tout ça, je sais pas qu'est-ce que ça donne exactement. Je sais que RDS, commence à midi, ça. Puis normalement, de midi jusqu'à 2-3 heures, fait que ça devrait être autour de 3 heures, là, le match, quelque chose de même. Ouais, ça se peut. Mais j'ai pas regardé l'heure exacte, là. Mais. C'est sûr que Dustin Poirier, même s'il y a eu quelques défaites, ça reste quand même un bon combat. Est-ce qu'il pourrait y avoir une surprise? C'est sûr que bon, je suis caché à ma maison, non, mais il pourrait mettre peut-être Khabib dans des positions qu'on l'a pas vu beaucoup. C'est Khabib quand même, c'est pas comme Georges St-Pierre, la façon que les deux amènent les gars au sol, c'est pas du tout la même chose. Georges St-Pierre, lui, même si il était loin de toi, puis hop, dans une fraction de seconde, il était rendu en dessous, puis il était rentré pour t'amener au sol. Donc c'était très rapide, puis il avait un timing exceptionnel. Tandis que Khabib, c'est pas ce qu'il fait. Khabib, lui, il va rentrer en dedans, il va te pousser, puis il va te pousser le long de la cage, puis c'est ça que tu remarqueras, puis après ça, il va travailler dans le clinch, qu'on appelle debout, puis là, il amène ses gars au sol. C'est pas des amener de loin qu'il fait. Faut qu'il les pousse, faut qu'il les travaille. Bon, fait que j'ai hâte de voir quand quelqu'un va garder le dos bien dans la cage, puis il va vraiment pratiquer cette partie-là, ce Khabib va être capable de faire à ce niveau-là. Okay. Parce qu'à date, ça marche tout le temps, ces affaires, mais peut-être qu'un jour, ça marchera pas bien. Puis quand si ce jour-là arrive, qu'ils sont pas capables d'amener le gars au sol de la façon qu'il fait tout le temps, parce qu'il le fait toujours de la même façon. Ben là, peut-être qu'on verra un autre style de combat. Donc, c'est présenté demain. Ensuite de ça, il y a d'autres affrontements aussi. C'est une bonne carte, évidemment. Islam Maskayev contre David Ramos. Ça, c'est dans des combats principaux. C'est un combat du cap. Oui, il y a une couple de bons combats, là, dont ce combat-là. Puis, c'est des partenaires d'entraînement aussi. Il y a beaucoup de Russes là, qui sont là, puis ou des Dagestans, là, des gars de ce bout-là, qui sont avec Khabib, qui s'entraînent avec. Puis, je pense qu'il y a 3-4 teammates là, qui vont participer aussi. Puis lui, c'en est un. Écoute, il est 17 ans, c'est un très, très bon combattant. Il y a autant de soumissions que de décisions. Il y a 7 soumissions, 7 décisions. C'est un gars qui vient du sambo aussi, tout comme Khabib. Puis, écoute, il est à 155 livres, il y a la même catégorie, donc ça va être intéressant de voir ça. Puis ça va être un bon petit combat, ça c'est sûr aussi. OK, ensuite de ça, il y a Curtis Blade contre Shamil Abugaimov. Il y a tout que des noms. Hein. Ouais. Encore une fois, encore un gars du Dagestan. On le voit. C'est comme la boxe, ils doivent être. Oui, la plupart. Donc, ça, c'est un gros bonhomme, là. C'est un 2,60, il est 24. Il est aussi bon aussi en soumission. Il a 9 KO. Donc, c'est un très bon combattant. Puis, je vois Curtis Blade. Curtis Blade, on avait des grosses attentes. Puis, c'était un très, très bon lutteur qui a fait la transition à MMA. Puis, ça. Puis à date, il est quand même bon. Il est 11-2, ça va bien. Mais c'est peut-être un prochain là, qui va être Il est rendu quand même à presque 30 ans. Ça fait que c'est un bon combattant, un gros combattant 6-4. Okay. 155 livres. Okay. Toujours des combats intéressants. C'est lui sur le dernier combat. Le gars, il a perdu deux fois contre Francis Ngannou, ce qui est pas, ben ouais. Ce qui est pas mal, là, ce qui est pas déshonorable quand même. OK. Y a-t-il d'autres matchs à surveiller? Ben, pas vraiment dans les noms qu'on connaît. Il y a peut-être plus. Il y a un petit gars de Montréal là, ben, qui est. Nordine Taleb, là, ben, le français qui est en train d'autre histoire qui est tombé. Okay. Mais je pense qu'il est en sous-4, là, c'est le troisième combat. Mm. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Puis, en tout cas, ça va faire. Dans pas longtemps. On s'est battu dans le mois de mai. Mais bon, on va voir où ça va s'en aller parce que c'est sûr, il y a des défaites, des victoires, des défaites, des victoires. Ça sent. Il sent jamais qu'on a des gros noms vraiment non plus. Ça fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Nordine, là. Mais on va souhaiter bonne chance pour ce combat. Dans les actualités, que Christine Seaborg a quitté l'UFC. C'est pas vraiment surprenant. Je pense qu'elle avait perdu 2-3 fois. Hein? Seaborg, ben, elle a perdu 2 fois, c'est pas surprenant. Bon, oui, puis non, dans le sens que ça, ils s'entendent pas. La façon qu'il veut que Dana White la traite, parce qu'elle, elle se considère pas bien traitée, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'elle a perdu, mais ça reste. Ça reste que c'est une très, très bonne combattante, et même des meilleures femmes à avoir jamais faites, là. Mais, bon, elle se sentait pas bien, puis c'est des chicanes entre deux individus, j'ai l'impression, mais bon. Alors, voilà, c'est correct. Elle va continuer pendant une couple d'années, là, à être dominante, à mon avis, parce que c'est, à 155 livres, même si elle s'est fait battre, là, ça reste quand même quelqu'un de dominant, là. OK. Claude, on s'en parle pour le UFC 243. C'est bien beau, Danny. Notre ami Claude Perron qui nous parlait du UFC 242 demain présenté du côté du Moyen-Orient.